J'ai peur de ton cœur, de ta voix. J'ai peur de ton chien qui aboie. J'ai peur de tes mains, de tes doigts. J'ai peur que tu sois tout pour moi. Si tu rentres trop tard, j'ai peur si tu as le cafard, j'ai peur si tu es en pétard, j'ai peur que tu puisses m'en vouloir. J'ai les fois, encore une fois, reste avec moi. Reste avec moi. J'ai peur quand tu traînes les pieds. J'ai peur quand tu changes de côté. J'ai peur quand tu te mets à souffler. J'ai peur que tu veuilles me quitter. Plus encore, j'ai peur et c'est pas sans effort. J'ai peur et mon cœur est d'accord. J'ai peur et tu m'en veux à mort. J'ai les fois, encore une fois, reste avec moi. Reste avec moi. J'ai peur quand tu traînes les pieds. J'ai peur quand tu te mets à souffler. J'ai peur quand tu changes de côté. J'ai peur que tu puisses me quitter. J'ai peur que tu puisses me quitter. Resta.